إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. Donc aujourd'hui nous rentrons dans le 12e hadith. الحديث الثاني عشر. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. Donc le hadith, là qui est parmi la bienséance ou la perfection de l'islam de la personne, qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Et ce hadith, Aslan, à la base dans les Mutun de Arba'in Nawawi, il est rapporté par Abu Huraira, selon Abu Huraira, par l'imam Tirmidhi. Donc là, le Shir dit à propos de cette. De ce rapport, selon Abu Huraira, il dit هذا هو الصحيح في هذا الحديث أنه من مراسيل علي بن حسين زين عابدين الحفاظ راه عن الزهري عن علي بن حسين مرسلا ورجح المرسل الإمام أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني وغيرهم كما في جامع العلوم والحكم والحديث مرسل فقد جاء من حديث أبي هريرة كما ترى لكنه لم يثبت مرفوعا إنما ثبت مرسلا. Donc lui il dit le shir qu'en fait la réalité c'est que le hadith apporté là il est mursel. Mursel c'est un hadith dont le tabi'i rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans avoir entendu de lui naturellement. Donc le hadith de Abu Huraira il n'a pas été authentifié remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En vrai, c'est un mursel. Ce hadith-là, c'est un mursel. C'est-à-dire que le tabi'i, qui est Ali ibn Hussein, lui rapporte le hadith qu'il n'a pas entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et c'est l'avis de la plupart des gens de science dans le sens du hadith, comme l'imam Ahmed, comme le Numa'in, Yahya ibn Ma'in, wa al-Bukhari, wa Darqutni, et autres que. Non. Mais cependant, le hadith, il a d'autres, on va dire, des témoins qui l'assistent et qui le confirment. Hein? D'autres versions qui viennent, toutes sont faibles, mais affirment le sens du hadith, que le sens est authentique. Donc le hadith peut être pris comme une preuve. On peut se baser dessus et œuvrer en fonction du matn. Donc l'isnad, lui, comme on vous a dit, il est mursel. Mais le matan, le sens, est authentique. Donc le hadith peut être pris comme preuve dans tout sujet. Naam. Donc le shir dit Hadith ou Abdullah ibn Amr, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qala Al-Muslimu, man salim al-Muslimu, al-Muslimuna min nisani wa yadi. Fahaza min husn islam, an yakbal ala shu'unihi. Wa khawasihi. وما يعنيه على تربية أبنائه وتعليم أهله وإخوانه الإقبال على طلبه والتفقه في دين الله والإقبال على تصحيح معتقده. Donc il dit, comme dans le hadith de Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman c'est celui dont les autres musulmans sont préservés de sa langue et de sa main. Et cela fait partie justement de la bienséance, de la perfection de l'islam de la personne. Que cette personne-là se consacre à ce qui le concerne seulement, d'accord ? Il se tourne vers ce qui le regarde, ce qui lui est propre. Comme par exemple l'éducation de ses enfants, ou le fait d'enseigner à sa famille, ou à ses frères, qu'il se verse dans la recherche de la science, qu'il apprenne la religion, et qu'il cherche à authentifier sa croyance et son dogme, de les rendre corrects et droits. Yaqul, هذا يدل على اهتمام الإنسان بنفسه من حسن إسلامه أن يتدخل فيما لا يعنيه من الأمور وليس يمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا تعليم. وقال تعالى وليكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Donc il dit cela démontre l'importance que donne la personne en lui-même, hein, qui se consacre vraiment à ce qui lui revient. Et que cela fait partie de la bienséance de sa religion, de son islam. Qu'il ne rentre pas dans ce qui ne le concerne pas. Et cela également n'empêche pas le fait de proscrire le blâmable, et d'en donner le convenable. Car cela fait partie de l'enseignement. Hein, interdire ce qui est mauvais et en donner ce qui est convenable, cela fait partie de l'enseignement. Comme Allah dans le sens dit, que soit parmi vous une communauté qui appelle au bien, qui ordonne au convenable et interdise le blâmable, ceux-là sont ceux qui réussiront. De là, j'aimerais m'arrêter par rapport au hadith, ou plutôt le charh du shir. Pourquoi ? Car là, en fait, après avoir lu dans le livre, on constate qu'il y a eu erreur, que les hadiths et le charh qui vient par la suite de Shir Yahya, Fizallahu Ta'ala, ne concerne pas ce hadith. En fait, on dirait qu'il vient plutôt au hadith qui était avant, qui est Dama Yaribuk, Ilema Yaribuk. Car là, le shir sort des hadiths qui concernent le Wala, et qui n'ont rien à voir avec ce chapitre. Donc apparemment, il doit y avoir un décalage dans le livre, et il y a un manque. Donc de là, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser aujourd'hui, on va dire exceptionnellement, sur le charh de Shir Fawzan, Fizallahu Ta'ala, sur ce hadith. Tout d'abord, on commence par une parole de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, fi jami' al-ulum wal-hikam, par rapport à ce hadith. Il dit: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى الإمام أبو عمرو بن صلاح عن أبي محمد ابن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال: جمع آداب الخير وأزمنته تتفرغ من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أم أو ليثمت وقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وقول الذي اختصر له في وصية لا تغضب وقوله المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكلدي cet imam رحمه الله تعالى que ce hadith est un fondement principal parmi les fondements du comportement à avoir. Et qu'il a été rapporté de l'imam Mohammed Abu Zayd, hein, Ibn Abi Zayd, qui est un imam parmi les gens du fiqh maliki, du madhab maliki, à son époque, qu'il a dit que l'ensemble du comportement du muslim, hein, se base sur quatre ahadiths principaux. Et ces quatre-là, vous allez les voir, sont tous dans cette Arba'in Nawawi. Le premier hadith, qui est que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Ça, c'est le premier hadith. C'est-à-dire parler, dire de bonnes choses, sinon se taire. Qui viendra, Inch'Allah, par la suite. Ensuite, parmi la bienséance ou la perfection de l'islam de la personne, hein, qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Ça, c'est le deuxième. Le troisième hadith, et c'est lui lorsqu'un homme viendra au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demandera de l'exhorter. Et il lui dit: ne te mets pas en colère. Hein? Ne t'irrite pas, ne te mets pas en colère. Celui-là, c'est le troisième hadith. Et le quatrième, c'est que aucun d'entre vous ne croira d'une foi pleine et complète tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ces quatre hadiths regroupent les fondements principaux du comportement que le muslim doit avoir envers les autres. Envers lui-même tout d'abord et envers les autres. Non. Donc là, nous allons poursuivre avec ce que dit Cheikh Al-Fawzan, Al-Alam Al-Fawzan, Hafizallahu Ta'ala, sur ce hadith. Il dit, donc lui, d'abord, il va commencer par le fait que, comme je vous ai dit, le hadith, au début, il y a une divergence quant à son degré d'authenticité. Cheikh Yahya et bien d'autres voient que le hadith, il est mursel et ne revient que à Ali ibn Hussein, Zain al-Abidin. Mais dans le Matn Arba'in Nawawi, il est rapporté par Abu Huraira, ou plutôt selon Abu Huraira, rapporté par l'imam Tirmidhi, jugé comme Hassan, comme étant bon. Et ça, c'est l'avis que voit Cheikh Fawzan lui. Donc il dit: هذا الحديث رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن والحديث والحسن وما دون مرتبة الصحيح وبعض العلماء يدخله في الصحيح ويجعله مما يحتج به ولكن الصحيح أرفع منه من حيث الضبط ضبط الرواة أو راوي من حيث ضبط الراوي. أما الحسن فقد يكون في روايته حفظه خفة الضبط خفة الضبط وهذا ينزله عن مرتبة الصحيح إلا فهو نوع من الصحيح وبعده الحديث الضعيف. Donc il dit que ce hadith, rapporté par l'imam Tirmidhi et autres que lui, lui le juge comme étant hassan, comme étant bon. Et il dit que le hadith hassan est celui qui est de degré moindre que le hadith al-sahih, celui qui vient en dessous, juste après lui. Dans les degrés dans le hadith, vous verrez, inshallah, peut-être dans le dirs al-Baykouniya, si un de nos frères vous l'ouvre. Donc là, le hadith, lui, il le voit qu'il est hassan, qu'il est bon. Et certains savants entrent le hassan dans la catégorie du sahih, par lequel on peut se baser pour prendre une preuve. Hein? On peut argumenter avec. Cependant, le sahih est de plus haut degré. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que le rapporteur est plus méticuleux dans ce qu'il rapporte. Car dans les conditions du sahih, c'est que la chaîne de transmission soit continue, que chaque rapporteur ait entendu de l'autre, et que tous soient des gens hables, fiables, fiqh, et méticuleux d'une bonne mémoire dans ce qu'ils rapportent. Et le hassan, lui, c'est les mêmes conditions, sauf que là, le rapporteur sera peut-être moins méticuleux dans ce qu'il rapportera comme hadith. Ça, c'est la différence entre les deux. Que le rapporteur sera peut-être moins précis que le rapporteur du hadith al-sahih. Ce qui fait qu'il descend de degré d'authenticité. Donc il dit, Amal Hassan, comme je vous l'ai dit, فَقَدْ يَكُونُ مِنْ رِوَيَتِهِ خِفَّ adopte, que la précision et le côté méticuleux du rapport du hadith est moindre que celui qui rapporte le sahih. Donc ce qui fait que le hadith sera descendu d'un degré. Au lieu d'être sahih, il sera considéré comme étant hassan. Non. Mais toujours est-il qu'il est considéré comme étant un hadith authentique. Mais on n'appelle pas sahih, on l'appelle hassan. Et après le hassan, le hadith qu'il vient, le degré qui vient en dessous du hassan, c'est le da'if, le faible. Non. Donc ça c'était ce par quoi a débuté Shir al-Fawzan pour expliquer. Donc vous voyez qu'il y a une divergence par rapport au hadith. Quoi qu'il en soit, le hadith, même s'il est mursal, il est, on peut argumenter avec et être pris comme, en se basant dessus comme étant une preuve. Donc il dit, Hafizahullah ta'ala, قَوْلُهُ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ أي مِنْ تَمَامِ دِينِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الدِّينِ يَكُونُ تَامًا وَيَكُونُ نَاقِسًا بِحَسْبِ تَصَرُّفَاتِ صَاحِبِهِ. Donc il dit, parmi la bienséance ou la perfection de l'islam de la personne, c'est-à-dire, comme on a dit, son degré de perfection dans son application de sa religion, cela démontre que la religion peut être complète, parachevée, ou qu'elle peut être réduite. Et tout cela en fonction du comportement de celui qui l'applique, de celui qui la suit. Cela revient au serviteur. Plus il l'appliquera dans l'intégralité, plus celle-ci sera parfaite. Et plus yani, il aura des manques et certaines négligences, et celle-ci sera moindre. Wal muslimu yahtammu bi ikmal dinihi wa yahdharu mimma yankusuhu. Donc là, le musulman, lui, fait attention à ce qui perfectionne sa religion et prend garde à ce qu'il la réduit. Qawluhu tarkuhu ma la ya'ni. Qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. وَمِمَّا يُنْقِسُهُ دِينَ الْإِنْسَانِ أَنَوْ يَتَدَخَّلْ فِي مَا لَيْسَ مِنْ شُؤُونِهِ وَمَا لَيْسَ مِنْ اِخْتِصَاصِهِ وَلَمْ يُوَكَّلْ إِلَيْهِ وَلَا مِنْ نَاحِيَةِ الشَّرْعِ وَلَا مِنْ نَاحِيَةِ الْخَلْقِ وَالَّذِي يَنْبَغِي عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَعْتَنِيَ بِدِينِهِ وَلَا يَعْتَنِيَ بِمَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ فَائِدَةٌ وَلَيْسَ مُكَلَّفًا بِالْبَحْثِ فِيهِ. Donc il dit qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Que cela fait partie des choses qui réduisent sa religion, qui ne rentrent pas dans ce qu'il ne maîtrise pas, ce dont pourquoi il n'a pas été qualifié. Et ce dont il n'a pas été chargé. Qui ne rentre pas dans ce dont il n'a pas été chargé, et ce dont il n'est pas apte à gérer. Que cela concerne les choses de la religion, de la législation, ou alors les choses de ce bas monde, les choses de cette dunya, dans la politique et autres. Comme lui, Inch'Allah, va le dire par la suite. Donc, il convient à la personne qu'il prenne soin de sa religion à lui, et qu'il ne cherche pas ce dont il n'a aucune utilité, aucun profit à tirer. Et ce dont il n'a pas été chargé de chercher. فَبِذَلِكَ يَسْتَرِيحُ وَيُرِيحُ النَّاسِ أَيْضًا. Donc, en faisant cela, lui se repose, ne s'impose pas des charges, et également repose les autres. En faisant cela, il se fait du bien à lui-même ainsi qu'aux autres. وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا هَذَا الْمَسْلَكَ الْعَظِيمِ لَحَصَلَ الْوِئَامُ وَالْوِفَاقُ وَالْمَحَبَّةُ وَلَكِنْ يَأْتِي بَعْضُ الْفُضُولِيِّينَ فَيَتَدَخَّلُ فِي أَشْيَاءٍ لَيْسَتْ مِنْ إِخْتِصَاصِهِ وَلَيْسَ مُكَلَّفًا بِالْبَحْثِ فِيهَا. Donc il dit, Si les gens suivaient cette voie et empruntaient ce chemin, il s'en produirait une grande entente, une harmonie, une paix et de l'amour entre les musulmans. Cependant, il y a des gens dotés d'un degré de curiosité plus qu'il n'en faut, des curieux comme on dirait, qui se mêlent de choses pour lesquelles ils n'ont pas été qualifiés, des choses qui ne sont pas aptes à gérer, comme nous l'avons dit, et dont ils n'ont pas été chargés de rechercher. Ils vont à droite à gauche, et de là, ils se fatiguent eux-mêmes et fatiguent les autres. فَيَسْأَلُوا أَسْئِلَةً كَثِيرَةً لَا يَحْتَاجُوا إِلَيْهَا مثل الْبَعْثِ فِي الْوَقَائِعِ وَالْحَوَادِثِ الَّتِي وَقَعَتْ وَهُوَ لَيْسَ مُؤَهَّلًا وَلَيْسَ مُكَلَّفًا إِمَّا أَنَّهُ لَيْسَ مُؤَهَّلًا لِإِدْرَاكِ أَحْكَامِهَا وَمَقَاصِدِهَا أَوْ أَنَّهُ مُؤَهَّلٌ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِهَذَا الشَّيْءِ وَهَكَذَا الشَّيْءُ خَاصًّا بِأَهْلِ الْحِلْ وَالْعَقْدِ. Donc il dit que cette personne qui rentre dans ce qui ne concerne pas se met à poser un tas de questions dont il n'a pas besoin. Par exemple, le fait de chercher sur des choses, des actualités ou des événements qui se sont produits. Et lui, il n'a pas été qualifié ni chargé de les gérer. Du fait que soit il n'est pas apte à cela, comme nous l'avons dit, qu'il n'a pas la compréhension adéquate et appropriée pour entrer là-dedans, et pour comprendre les objectifs et ce qui en découle derrière, ou alors peut-être qu'il est qualifié pour cela, c'est-à-dire qu'il a une bonne compréhension, cependant, il n'a pas été cherché de cela. Une personne dont on ne lui a rien demandé. On ne lui a pas demandé d'agir ou de rentrer là-dedans. Et cette chose-là, dans des sujets qui sont spécifiques aux experts en la matière et aux gens qui sont en mesure de régler le problème. Des gens qui ont été chargés pour cela, qui ont la bonne compréhension et qui ont la capacité. Et lui, on ne lui a rien demandé. ومن ذلك ما يدور بين الشباب وبين كثير من الناس في المجالس من تناول أمور تحدث وتحتاج إلى النظر من قبل عورة الأمور والعلماء وأهل الشأن. Donc également, par exemple, comme les choses qui se produisent entre les jeunes au sein des gens, dans les assises et autres, parmi les choses, les événements, les faits divers, les actualités, dont ces choses-là doivent être scrutées par les gouverneurs, on va dire, les responsables et les savants et les gens qualifiés pour cela. Donc lui il dit ثُمَّ يَتَدَخَلُوا فِيهَا مَنْ لَا يُحْسِنُهَا وَلَيْسَ مُكَلَّفًا بِالدُّخُولُ فِيهَا. Et tu vois des gens qui se mettent à s'en mêler alors qu'ils n'ont pas été chargés d'y rentrer. وَالدُّخُولُ فِيهَا يُفْضِي إِلَى حُدُوثِ بَلْبَلَةٍ وَسُوءِ الْفَهْمِ. Et le fait qu'ils rentrent dans ces affaires-là, cela amène à quoi ? À des troubles. À des troubles, à de la confusion et à des mauvaises compréhensions. أَوْ يُشِيعُوا الْمَعْذُورَ بَيْنَ النَّاسِ وَكَانَ الْمَفْرُودُ أَنُّهُ يُسْتَرَ. Et également, cela amène à ce que ces choses proscrites ou peut-être périlleuses se propagent au sein des gens alors qu'il convenait que celles-ci soient dissimulées. Elles sont cachées et dissimulées. Pour l'intérêt général. مَصْلَحَ. كَمَا قَالَ تَعَالَى وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَلُخَوْفَ أَذَاعُوا بِهِ. Comme la parole d'Allah dans le sens, et s'il leur vient une nouvelle alarmante ou rassurante, ils la diffusent, ils la propagent. وَلَرُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ. Et dans le sens, s'il l'avait renvoyé au messager, la parole d'Allah, s'il l'avait renvoyé au messager, dans le sens, أَرَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ فِي حَيَاتِهِ أَرَدُّوا إِلَيْهِ شَخْصِيًّا وَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَإِنَّ الرَّدَّ يَكُونُ إِلَى سُنَّتِهِ. Donc cela revient de son vivant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de renvoyer les choses vers lui, à sa personne, de son vivant. Cependant après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, on renvoie les choses à sa sunna, d'accord, à son enseignement. وَهَذَا مِنْ جَأْنِي الْعُلَمَا هُمُ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ الرَّدْ إِلَى سُنَّةِ الرَّسُولِ sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela revient à qui ? Aux savants. Cela est le domaine des savants qui eux maîtrisent ces choses-là pour envoyer, yani appliquer les choses en fonction de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il cite la fin du verset où il dit وَإِلَا أُولِي الْأَمْرَ مِنْهُمْ. Dans le verset, là il a divisé le verset en trois parties. Là il cite la troisième partie qui est وَإِلَا أُولِي الْأَمْرَ مِنْهُمْ. Le fait de renvoyer les choses sinon aux détenteurs du pouvoir. Dans le sens, renvoyer les choses aux détenteurs du pouvoir. فَقَالْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَمِنَ السَّاسَةِ والقضاء وأصحاب السياسة الذين يمارسون هذه الأشياء ويصدرون فيها عن رأي ويكون لتداخلهم فيها فائدة وحلول. Donc il dit également, il recite les savants là encore, car les choses politiques touchent également aux savants, mais en plus aux gens du pouvoir, aux gouverneurs, hein, aux gouverneurs, aux responsables, comme tout ce qui est ministère, ce genre de choses, les gens qui sont qualifiés pour cela, hein, experts en la matière, qui eux exposent de bonnes opinions sur la chose, qui ont une vision large, qui ont une vision large et une bonne clairvoyance dans ce genre d'actualité. Et donc, le fait qu'ils rentrent dans ce genre de choses, cela apporte une utilité au sein de la communauté et des gens. Et cela apporte des solutions aux problèmes. أَمَّا الْإِنسَانُ الْعَادِيُ الَّذِي لَيْسَ مُؤَهَّلًا وَلَا مُكَلَّفًا فَإِنَ دُخُولَهُ فِيهَا يُفْسِدُهَا. Et quant à la personne banale, l'homme quelconque qui rentre dans ce genre de choses, alors qu'il n'est pas qualifié pour cela, alors lui, sa rentrée en cela, le fait qu'il s'en mêle, amène de la confusion et chamboule tout. وَيُحْدِثُ التَّشْكِيكِ مِنْ بَيْنَ النَّاسِ فِي أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ وَأَهْلِ الْمَشُورَةِ وَقَدْ يَخُوضُ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ وَأُولَاتِ الْأُمُورِ وَيَدَّعِي أَنَّهُمْ لَا يُحْسِنُونَ وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ وَيُشِيعُ ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا هُوَ وَاقِعٌ الْآنَ وَهَذَا مِنْ نَقْصِ دِينِ الْإِنْسَانِ. Donc il dit, cette personne là qui se mêle, qui rentre dans des choses qu'il ne maîtrise pas, cela mène à quoi? À porter des doutes. Il sème le doute au milieu des gens par rapport aux paroles des gens de science, hein, aux gens des opinions et aux gens de la consultation, c'est-à-dire les gens qui se consultent parmi les gens qualifiés pour cela. Et ça mène à parler sans science, hein, sur les gens de science et sur les gouverneurs. Et ces gens-là, c'est-à-dire qui rentrent dans ce qui ne les concerne pas, prétendent que eux, c'est-à-dire les gouverneurs et les savants, ne comprennent pas l'actualité, qui sont ceci, qui sont cela. Et ils propagent cela au milieu des gens, hein, comme cela se produit actuellement, et cela est une chose, est une réduction dans la religion de la personne. Le fait d'agir de la sorte est un manque, hein, est un manque de comportement et une réduction dans la religion de la personne. Et on le voit aujourd'hui, ce qui s'appelle que le savant ne comprenne pas l'actualité. C'est exactement ce que le shir cherche à faire comprendre et à faire saisir. فَيَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَخَوْفَ عَلَى دِينِهِ وَلَا يَدْخُلُوا فِي شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ وَرَائِهِ مَصْلَحَةٌ وَلَا لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ. Donc il incombe à la personne qu'il ait peur dans sa religion, qu'il ne rentre pas dans les choses, hein, dont il n'en tirera aucun profit, aucun bénéfice, ni pour lui, ni pour les autres. بَلْ يَكُونُ مَصْلَةً فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَذَكَّرْ هَذَا الْحَدِيثِ. Donc plutôt, il y aura en cela des troubles et des mauvaises conséquences, donc le muslim doit se rappeler de ce hadith. Dans ce moment-là, il doit se rappeler, se souvenir de ce hadith. وَنَجَعَلَهُ مِنْ حَاجًا لَهُ فِي حَيَاتِهِ كَمَا كَانَ يَعِينُ فَمَا كَانَ يَعِينُ وَهُ مُكَلَّفٌ بِهِ وَيُحْسِنُ الدُّخُولِ فِيهِ وَيَتَرَتَّبْ عَلَى دُخُولِهِ فِيهِ مَنْفَعَةٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَدَخَّلْ وَمَا كَانَ لَيُحْسِنُهُ أَوْ لَا يَجْدِي دُخُولُهُ فيه فليس مكلفا ان يدخل فيه وليس من شؤونه فعليه تجنبه. Donc il dit, une personne n'a pas à rentrer dans ce qui ne concerne pas, dans les choses qu'il ne maîtrise pas, dans les choses pour lesquelles il n'est pas apte, hein, il n'est pas expert, dont il n'a pas de connaissances, car sa rentrée en cela amènera des problèmes et des troubles. Cependant, celui qui lui est apte et connaît le sujet et le domaine, alors lui peut se permettre de rentrer là-dedans s'il a été chargé de chercher, s'il lui a été confié la tâche de rentrer en cela, et que cela rentre dans ses compétences, alors lui, il peut y rentrer. Quant à l'autre, il doit éviter tout cela. فَإِذَا كَانَ يُلِدُ خَيْرًا فَإِنَّهُ يُبْلِغُ الْمَسْئُولِينَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بِمَا يَحْدُثُهُ وَبِمَا يَلْتَمَثُ لَهُ الْحُلُولِ. Et si jamais il veut vraiment du bien pour les gens et qu'ils vont un mal, alors son travail à lui, sa tâche, c'est de retransmettre cela aux responsables, aux experts en la matière, aux gens aptes, parmi les gens de science, leur faire comprendre ce qui se passe, hein, afin qu'ils trouvent une solution. وَيَكُونُ مُجَرَدْ نَاسِحْ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ وَيَرُدُ الْأُمُورِ إِلَى أَهْلِهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَا رُدُّهُ لِلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبَتُونَهُ مِنْهُمْ. Donc il dit, celui-là, cette personne-là, et qu'il renvoie les choses à ceux qui sont aptes à les gérer. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, et s'il est envoyé, c'est-à-dire les choses, la nouvelle alarmante ou rassurante, s'il est envoyé aux messagers ou aux détenteurs du pouvoir, du moins ceux qui ont la science, en prendraient connaissance, on dira comme ça. On va dire les savants, les gens de science, en auraient connaissance de la situation et pourraient régler le problème. فَيَرُدُّوا الْأَمْرَ إِلَى أَهْلِهِ أَمَّا هُوَ فَلَا يَتَدَخَّلْ فِيهِ بِحُكْمٍ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ شُؤُونِهِ وَلَيْسَ لِتَدَخُّلِهِ فِي فَيْدَةٍ. Donc lui, par contre, comme nous avons dit, il renvoie la chose aux gens aptes à gérer ce genre de situation. Cependant, lui ne s'en mêle pas et n'émet aucun jugement, alors cela ne le concerne pas et qu'il n'y a aucune utilité à ce qu'il s'en mêle. فَهَذَا حَدِيثٌ عَظِيمٌ وَمِنْهَجٌ قَوِيٌّ قويم لو سار عليه كل مسلمين لحصل في ذلك الخير الكثير. Donc il s'agit là d'un hadith immense, plein de sens, plein de sagesse, et une bonne voie, une voie droite, et que si les musulmans suivaient cela, ils s'en produiraient un grand bien en grande quantité. وانحلت المشاكل, et les problèmes seraient réglés, les solutions seraient trouvées. وتألفت القلوب, et les cœurs se réuniraient. وتعاون المسلمون فيما بينهم, et que tu verrais les musulmans s'entraider dans ce qu'il y a entre eux, dans ce qui les concerne. ولكن إذا سارت الأمور فوضى وكل يتدخل فيما لا يعني حصل في ذلك الفساد والشر. Cependant, si jamais les choses deviennent un désordre et un bazar, et que chacun rentre dans ce qui ne concerne pas, il s'en produira des troubles, de la confusion et des problèmes, et beaucoup de mal. واختلاف رأي, et une divergence d'opinion et d'avis. وعدم الثقة بأهل الحل والعقد, et que les gens perdraient confiance aux gens de la solution, aux experts, والمسؤولين, et aux gouverneurs, aux responsables. ثم تنتشر الفوضى بين الناس وهذا وواقع كثير من الناس اليوم. Et également, il s'en produirait un grand désordre au milieu des gens, et c'est ce qui arrive actuellement chez beaucoup de personnes à notre époque. تجدهم حتى في مسائل العلم الصعبة التي لا يحسن الدخول فيها إلى كبار العلماء والأئمة, تجد صغار طلاب العلم ومتعلمين يتدخلون فيها ويحلون ويحرمون ويفتون بغير علم وبغير بصيرة. Donc tu le vois aujourd'hui également dans les sujets méticuleux dans la religion, dans les sujets assez difficiles en science, ceux dont tu ne reviens qu'aux grands savants et aux imams. Cependant, tu vois les petits élèves, les petits étudiants en sciences, tu les vois rentrer là-dedans, et tu les vois essayer de trouver des solutions, d'interdire, ou d'autoriser, ou de faire des fatawas sans science et sans clairvoyance. On le voit beaucoup aujourd'hui que cela arrive. فَيَجِيبُ أَنْ يَتَّخِذَ هَذَا الْحَدِيثُ مَنْهَجًا وَمَسْلَكًا لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُتَعَلَّمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا. Donc il incombe à chacun de prendre ce hadith, de le prendre comme voie, et comme sentier de le suivre, qu'il soit parmi ceux qui étudient ou les ignorants, que chacun rentre et ne se mêle que de ce qui le concerne. Et également l'antambih, suite à ce hadith, même autre qu'au sujet de science ou à cela, que des personnes, comme le disait le shir au début, lorsqu'une personne rentre dans un sujet qu'il ne maîtrise pas, il va se fatiguer lui-même et fatiguer les autres. Il va faire le façade. Qu'il s'agisse même des affaires de couple, on le voit souvent des gens qui veulent par exemple essayer de concilier entre un mari et sa femme, alors qu'on ne lui a pas demandé, il rentre, il questionne, il rentre dedans, il n'a aucune bassira, qu'est-ce qu'il fait des fois? Il cause plus de problèmes. Ça rentre dans ce genre d'histoire, cause plus de problèmes. Ou vouloir régler les problèmes entre les gens, alors que ceci ne lui a pas été demandé, il n'a pas été chargé de faire cela. Il rentre dans la situation, il veut faire du bien, il veut faire du khayr, cependant il n'est pas apte et pas qualifié pour cela, soit pour un manque de science, soit pour un manque de comportement, de sagesse, et cela amène à ce que le problème s'amplifie, et on voit la situation s'aggraver. Donc les gens prennent ce hadith comme une grande hikmah, qu'ils prennent et suivent, et rentrent dans ce qui les concerne, dans ce quoi ils sont aptes. Cela n'empêche pas d'ordonner le convenable, et d'interdire le blâmable, car cela est une obligation commune et également individuelle, cela n'empêche pas. C'est pas genre, je me mêle pas, ça me concerne pas. Si t'as vu un mal devant toi, tu peux le changer par ta main, alors fais-le. Tu peux le changer par ta langue, alors fais-le. Et sinon par ton cœur, et cela est le plus bas niveau de la foi. Fabinaktafi bi hadha al-qadr. Wa naqul subhanaka allahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.